Chapitre 5. Roskilde était autrefois la capitale du Danemark. Elle avait 27 églises, il n'en a plus qu'une, son ancienne cathédrale. Cette cathédrale, fondée en 980 par Harald à la Dent Bleue, est le Westminster et le Saint-Denis des rois de Danemark, Saxon le Grammairien y est enterré parmi les princes. Le tombeau qui m'a le plus arrêté est celui de Marguerite, qu'on appelle la Sémiramis du Nord. Elle réunit sous son sceptre, par le traité de Kalmar, 1397, le Danemark, la Norvège et la Suède. Christian Ier est enseveli sous ses voûtes dans une chapelle. Ce fut en 1448 que les États du Danemark lui décernèrent la couronne. Il fut le fondateur de la dynastie d'Oldenbourg, qui occupe encore le trône. Ce prince était un géant féodal de plus de 6 pieds. Sa taille est marquée à l'une des colonnes de la vieille église. Sa longue épée est incrustée dans le mur. La chapelle la plus splendide contient les tombes de tous les monarques de la maison d'Oldenbourg, excepté celles de Jean, de Christian II, de Frédéric Ier, de Christian IV. Les deux sépulcres les plus magnifiques de cette magnifique chapelle sont ceux de Christian III et de Frédéric II. Les autres sépulcres, parmi lesquels ceux des derniers rois Christian VII, Frédéric VI et Christian VIII, sont plus simples. Le plus simple de tous a une chapelle particulière, et c'est celui de Christian IV. Les restes de ce prince, le grand homme de la dynastie d'Oldenbourg, ne sont pas dans le monument surmonté d'une statue en bronze sculptée par Thorvaldsen. Non, le corps de Christian repose au fond d'un coffre recouvert de velours et d'argent, dans le caveau où l'on conserve aussi sa bonne épée de marin, de général et de roi. Je suis sorti de l'église funéraire avec le sentiment profond de la vanité des grandeurs humaines. Des dynasties entières ne sont plus, après très peu de temps, que des poignées de cendres. Rien ne survit que l'âme. Faisons-la donc héroïque ici-bas. Nous n'aurons que ce que nous mériterons, et notre ciel sera celui que nous aurons construit sur cette terre, dans des ébauches successives de vertu et de génie. Notre idéal sera réalisé, petit ou grand, selon nos œuvres et nos pensées. Tout en songeant ainsi, je me suis retourné, et j'ai retrouvé avec ravissement la cathédrale, le chœur, le clocher, la toiture de cuivre noir vert sur l'édifice de briques. Cette cathédrale de Roskilde domine la baie nommée Isfjord comme la cathédrale de Cologne domine le Rhin. Je suis descendu à la mer par une délicieuse avenue de platanes et je me suis assis sur le sable. La baie était pressée d'une ceinture d'écume, peuplée de légendes païennes et chrétiennes, sillonnée de barques et de navires, pavoisée de bannières, et malgré cette terre de fête, triste comme la mort dans l'éternelle lamentation de ses flots. J'ai quitté Roskilde au soleil couchant et j'ai salué Copenhague au soleil levant. Soro a 1200 habitants, Nyborg en a 3000, Odense 15 000, Altona 40 000, Roskilde 4 000. Ce sont des villes provinciales. La ville souveraine a 150 000 âmes, c'est Copenhague. Je ne connais aucune ville, excepté Londres, qui soit animée d'une vie si universelle et si tumultueuse. Cela tient, je crois, à la double influence d'un port où aboutit le monde et d'une capitale où aboutit le royaume. Il y a des villes écrites d'avance par le doigt de Dieu à la place qu'elles occuperont pendant des siècles. Babylone, Ninive, Memphis, Thèbes, Jérusalem, Athènes, Alexandrie, Londres, Naples, Venise, Rome et Paris, cette Rome de l'esprit moderne. De toutes les villes, l'une des plus heureusement assises, à portée de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, c'est Constantinople. Une autre ville privilégiée, c'est Copenhague. Copenhague est située, providentiellement aussi, non plus sur un sund d'Orient, mais sur un sund septentrional, au bord de la Baltique. Le monde de l'Ionie et de l'Égypte, le monde de la Grèce et de l'Italie, le monde de la France, tous ces mondes du Midi sont finis déjà. Le monde de l'Angleterre est dépassé. Le monde scandinave, ce monde des Eddas, va commencer et s'étendre dans des zones de vapeur jusqu'à l'Islande. Copenhague est un centre pour tous ses souffles et tous ses génies. Il serait même la capitale géographiquement nécessaire d'une Scandinavie future, la capitale qui souderait le mieux les trois États, si jamais leur unification s'accomplissait. Là, dans Copenhague, les cigognes et les cygnes, les hêtres et les sapins, les vaisseaux et les pavillons de tous les peuples, les chants des scalds, les sagas et les runes, les lacs et la mer vous enveloppent. Vous voyez tout cela du haut de la tour de Christian IV. Vous êtes ravi par le ciel, par la terre, par la navigation, par tous les souvenirs et toutes les divinations de l'histoire, par les aspects nouveaux de la nature, de l'art et de l'homme. les femmes et les hommes, comme en Fionie et dans les îles, ont en général les cheveux blonds et les yeux bleus. Les foules se pressent dans les rues, les marchés, les places, les remparts sont envahis par une multitude toujours croissante. Les maisons dans tous les quartiers sont admirables. Il y en a de gothiques, il y en a de modernes. Elles sont bâties de briques danoises ou de pierres transportées d'Allemagne. Elles ont presque toute la couleur rouge de la tuile ou une teinte olivâtre que l'on aime en Danemark. Deux canaux d'eau douce coulent parallèlement aux remparts et enserrent la ville de leur double repli. Ils communiquent au port et entre leurs rives, les navires se dirigent à volonté le long des quais vers les magasins. Chaque magasin a une grande porte à deux battants sur le canal. C'est par cette porte que se débarquent les marchandises, ce qui donne par toute la ville une accélération de mouvement à la fois très utile et très pittoresque. Dès 4 heures, un peu avant l'aube, j'ai entendu avec un singulier plaisir le chant des veilleurs de nuit. Ils se correspondent de quartier en quartier, et de ma chambre, je distingue 3 de ces crieurs tutélaires. Ils me rappellent le veilleur de Glorup, un musicien rustique de Fionie. Mon appartement est en face de Christianborg, le vaste palais du roi et de la Diète. De mon balcon, j'ai considéré devant moi le château et la chapelle, le musée de Thorvaldsen qui y touche, et le grand bâtiment rouge où résident plusieurs ministères, entre autres celui de la guerre. À ma droite s'étend le marché d'Amak et s'élève la maison dite de Dyveke. À ma gauche se développe la principale façade de la bourse. Je l'aperçois à travers les cordages des navires qui se balancent sur le canal au-dessous de mes fenêtres. Je suis descendu afin d'examiner successivement et de près ces monuments. Le marché d'Amak m'a amusé un instant. C'est là que les habitants de l'île de ce nom arrivent par des chars à 2 chevaux et vendent, du haut de ces chars, leurs fruits et leurs légumes. La maison qu'une tradition douteuse attribue à Dyveke intéresse par ses ornements gothiques et par le souvenir de cette jolie fille d'un aubergiste de Hollande devenue la favorite d'un roi. Sa vie fut un éclair entre les 2 orages de cruauté et de vice que résument les noms de sa mère, Sigbrit, et de son amant Christian II. Christiansborg est un palais immense, colossal. Ce fut Christian VI qui le construisit à force de millions, de bras et de temps. 3000 ouvriers travaillèrent à ce château pendant 6 années. Il fut dévoré en quelques heures par un incendie et rebâti sur les mêmes plans par Frédéric VI. Le musée de Thorvaldsen est rattaché au flanc du palais comme une barque à un vaisseau gigantesque. Mais la barque n'a pas moins de prestige que le vaisseau. Car s'il lui porte la royauté de la naissance, c'est elle qui porte la royauté du génie. La bourse est à 100 pas de Christiansborg et du musée de Thorvaldsen. Elle me paraît un des plus beaux monuments de Copenhague. Elle regarde l'église de la marine et elle lance au-dessus des navires du canal sa flèche très originale faite de 4 serpents tordus de la tête à la queue en spirale. J'ai terminé mon exploration par la tour Saint-Nicolas, Nicolas et Tarn. Cette tour, reste d'une église mitraillée et détruite par les Anglais en 1807, est de forme carrée et de couleur rouge. Je ne saurais jamais dire assez combien, avec ses balcons, ses balustrades et ses teintes diverses, elle me plaît de loin, et combien elle est pittoresque dans toutes les perspectives. Après-midi, M. Moltke et moi, nous avons été dans le faubourg du Nord aux 3 lacs qui suffiraient à une autre ville, mais Copenhague à la mer par surcroît. À 10 minutes des lacs, nous avons visité dans une serre le grand lys des eaux, le Vendilien. La fleur, blanche un jour, rouge le lendemain, est adorable. Les feuilles de 18 pieds de circonférence ont en dessous un réseau de racines inextricables. Cette plante, colossale comme le lotus du Gange, est entretenue dans un bassin ovale. Un grain acheté en Angleterre, cultivé dans cette serre à 21 degrés et dans ce bassin à 27 degrés de chaleur, n'a pas mis plus de 6 mois. Pour s'épanouir en ce magnifique nénuphar. J'ai voulu voir l'hôtel de ville. Ce n'est plus celui de Christian VI. C'est celui des bourgeois de Copenhague qui l'ont bâti sur les ruines de l'ancien. Cet hôtel de ville est bien un édifice municipal, plus solide qu'élégant. L'inscription qui le décore m'a semblé digne d'être conservée. Milovskal, Manland Big. C'est sur la loi qu'il faut fonder le pays. L'église Saint-Pierre, Sankt Peters, et son clocher mérite l'attention du voyageur. La cathédrale, appelée l'église Notre-Dame, Frue Kirke, la mérite encore plus, à cause des œuvres que Thorvaldsen lui a consacrées. Ses œuvres sont capitales. Sur le fronton, c'est Saint Jean-Baptiste prêchant le peuple, et dans l'intérieur, c'est le Christ avec les 12 apôtres. De tels travaux, fussent-ils les seuls d'un autre artiste, suffirait à son immortalité. Mais Thorvaldsen criait sans cesse et disait « À moins des travaux d'Hercule, je ne serai jamais content. » La flèche de la cathédrale était fort belle avant 1807. Nelson la démolit à cette date avec sa mitraille anglaise. L'université se recueille à côté de l'église. Cette université de Copenhague a une grande puissance, une grande richesse, un grand niveau de science et d'intelligence. Elle a beaucoup de professeurs distingués. Quelques-uns ont un talent supérieur. Que l'université se défende de dégénérer en coterie, ce qui serait un écueil. Tout en maintenant les règles, elle doit faire une large part à l'inspiration individuelle. Son rôle est d'affranchir, non d'opprimer. Fondée par Christian Ier dans le XVe siècle, elle fut dotée magnifiquement par Christian III. Elle est, par ce prince, fille de la réforme luthérienne. Elle n'a pas cessé d'être la pépinière de tous les hommes éminents ou utiles du pays, des ministres et des ambassadeurs, comme des avocats, des pasteurs, des juges, des ingénieurs et des médecins. Il n'y a que les marins et les soldats qui aient des écoles spéciales, distinctes de l'université. Indépendamment de son enseignement, Prosper des instruments accessoires de civilisation et principalement les bibliothèques et les musées. Il y a trois bibliothèques publiques à Copenhague, la bibliothèque léguée par le général Classen, la bibliothèque de l'université elle-même et la bibliothèque du roi. La bibliothèque du roi est la plus intéressante et la plus nombreuse. Elle contient près de 500 000 volumes avec beaucoup de manuscrits, soit islandais, soit orientaux. C'est là qu'on peut toucher les Eddas et qu'on se sent enveloppé du monde mystérieux des épopées, des sagas et des runes. J'ai remarqué deux dames allemandes fort belles à qui le cœur battait devant cette science, comme il bat à d'autres dans l'amour. Je ne blâme pas ces voyageuses que j'ai aperçues plus froides à travers les galeries de Christiansborg et de l'hôtel Moltke. Non, malgré leur indifférence pour l'art, je ne les blâme pas de leur enthousiasme d'érudition, car l'érudition, à la bibliothèque du roi, possède des monuments énigmatiques et grandioses qui font de la philologie primitive une poésie. Le musée ethnographique, dont M. Thompson et Vorset sont les directeurs, est universel. Il contient les costumes, les ustensiles, les industries, les inventions de tous les temps, de tous les pays et de tous les degrés de culture intellectuelle parmi les peuples. Il y a là des tentes de pots de phoque à l'usage des Groenlandais, des traîneaux sur lesquels ils chargent leurs pirogues et les transportent parmi les glaces. Il y a là des idoles de toutes les latitudes et de toutes les superstitions, des cornemuses faites de dents d'éléphants, des carquois de flèches empoisonnées, des toques ornées de plumes et d'herbes marines, des colliers de pierres précieuses, des boucliers en cuir de bœuf que ni sabre ni balle ne peuvent pénétrer, des lances dont chaque clou annonce la mort d'un ennemi. Il y a là des coupes de porcelaine emboîtées dans des tissus de bambou, des tasses de la Chine montées sur diamants, des cordes de papier infrangibles et des yatagans à lames d'acier, à fourreaux ciselés. Il y a là des pagodes des dieux de l'Inde et de la Chine, des amulettes innombrables. Mais ce qu'il y a peut-être de plus curieux, ce sont des dentelles à guirlandes de roses entremêlées avec les fibres de l'ananas. Le même édifice contient le musée des antiquaires du Nord, où les trois âges de pierre, de bronze et de fer étalent leurs massues, leurs haches, leurs scies, leurs couteaux, leurs glaives, leurs statuettes, leurs monnaies, leurs médailles, leurs bracelets, avec des emblèmes runiques. Les colliers d'or battus, fouillés et découverts, non loin du château de Broholm en Fionie, étonnent par leur pesanteur et leur pureté. Toutes ces collections, confiées à de savants hommes, dont la complaisance égale le mérite, sont destinées à s'accroître et à développer dans des sphères nouvelles la chronologie, la géographie, l'histoire, la philosophie, toutes les facultés de l'esprit humain.